Sinistros m'a demandé lors de notre dernière intervention si c'était important de greffer uniquement un bras là où est la place d'un bras, ou une jambe là où est la place d'une jambe. En ajoutant, cela ne devrait pas avoir d'importance, docteur. C'est une expérience et le sujet est mort de toute manière. J'ai lui répondu, Sinistros, cela ne me fait pas du tout plaisir de devoir te dire cela, mais je dois avouer que tu as raison, à un niveau. Le sujet est bel et bien mort, et actuellement, il s'en fout totalement. C'est bien vrai, Sinistros. Toutefois, comme nous tentons de le réanimer, je ne crois pas qu'il apprécierait de te ressembler. Et ce simili Sinistros s'est mis à pleurer, et moi de rire. Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin et son assistant, surtout lorsque cet assistant se sent en larmes créatives et artistiques, mais comme l'était Picasso dans sa période cubique. C'est vachement laid. Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cause fear is our fucking business. We are Undead Incorporated, cause he and I said so. Let's go, Napalm Death. We sleep on the bed. écoutez le Dr. B, Ben Dragon et Réanimation à CFOU 89.1 FM. Well, je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de Réanimation. La première de mars de l'an de disgrâce 2018, je suis le Dr. Payne Pendragon. Et je vous accompagnerai métalliquement jusqu'à 21h en compagnie de mon comparse, cette créature indescriptible aux esprits tordus et, je dirais, ma foi, peu recommandable, Sinistrose. Tu parlais que... Non, je parlais pas. OK, c'est pas... Tu faisais des élucubrations. Voilà. OK. T'as parlé de Picasso et son côté cubique. Oui. Je crois que tu t'es trompé. Moi, j'étais plus sur le côté Dali dans sa phase molle. Molle. Oui, c'est vrai. T'es passablement mou. D'ailleurs, j'avais appris à mes dépens il y a un certain temps. J'avais oublié Sinistros l'été au soleil et puis j'ai retrouvé une flaque. Il semblait vraiment une bombe fondue. Oui, c'était une flaque de choses tout indescriptibles. C'était vraiment effroyable. Guten Tag. Guten Tag. Ce soir, émission qui ressemblera à ce qu'on fait habituellement, c'est-à-dire qui n'a ni queue ni tête. C'est ça. Pareil comme la semaine passée, puis pareil comme la semaine prochaine. Puis comme toi. C'est ça. Bon, émission qui comportera bien sûr des présentations et de nouveautés, bien entendu, mais aussi de blocs conceptuels de notre ami Sinistros qui est parti sur une méchante dérape avec ça. Ben, c'est pas si dérape que ça. Non, tu vas voir ce que je veux en venir, éventuellement. J'y tiens pas vraiment. Il y aura aussi, évidemment, chronique cinéma, bars et spectacles, n'est-ce pas? Arts et spectacles. Non, oui. Non. Le cahier central de réanimation. Exactement. Tu m'enlèves les mots du nez. Chronique cinéma et série télévisée. Ainsi que de nombreuses choses incompréhensibles, bien entendu. Comme premier bloc d'entrée de ce soir, nous avons eu un bloc qui était constitué de formations à tendance grind en Exhume à l'instant. Formation de Californie avec la pièce As Hammer to Anvil qui est tirée de l'album de 2011 All Gods No Glory, leur cinquième paru le 5 juillet sur Relapse. C'est un des albums que je préfère encore jusqu'à ce jour de Exhume qu'on avait vu ici à Trois-Rivières. Sinistros, tu te rappelles? Je me souviens pas si... Avec Goat War? Non, j'étais pas là. T'étais pas là? Non, j'étais malheureusement pas là. C'était mémorable, ce spectacle, surtout au niveau d'un des guitaristes d'Exhume. Oui, je pense qu'il était pas très content. Qui avait donc tiré ses guitares à terre, lui. Juste avant, Terrorizer de Los Angeles, California, avec A Dying Breed, qui est tiré de leur troisième album, et dernier à ce jour, Hordes of Zombies, qui est paru en 2012 sur Season of Mist. Et nous avons ouvert avec, on les appelle les grands-pères du grind, mais c'est aussi des pionniers du genre, bien entendu, Napalm Death de Birmingham en Angleterre et On the Brink of Extinction, qui est tiré de leur 13e album paru le 23 janvier 2009, soit Time Waits for No Slave, de l'étiquette Century Media. 19h21. Bon, ben écoute, je pense que tu pourrais, avant qu'on aille en pause publicitaire, tu pourrais me foutre la paix. Ben, tu pourrais passer la publicité, puis on revient en onde après aussi. D'un petit peu de bonheur à passer la publicité. Bon, c'est tout le temps de bonheur, tout le temps. Maintenant, c'est le temps. On s'en va en pub. OK. C'est fou, 89.1. Plus d'informations, visitez cifou.ca. Hey man! Ouais. Est-ce que vous avez tu besoin d'aide? Connais-tu Cifou? Mais hein, que je connais ça. De AC/DC à ZZ Top, en passant par les Beatles. Parfait, mais il y a... Il y a qu'une chose que tu sais pas. C'est que toi aussi, tu peux animer à Cifou. Étudiant ou pas, l'expérience n'est pas nécessaire et la formation est incluse. Je savais pas ça. Le formulaire, les informations... Tous ces services et plus sont pour vous, avec vous. Sur cifou.ca. Vous trouvez ça charmant? Le Mathieu Plante Show vous comprend. Suivez la chronique télévisuelle Television, le blog Science et Technologie Merci Science, le segment Geek Cénix, sans oublier les rubriques jeux vidéo avec Samuel Girard et Frédéric Simon. L'émission de la fierté geek, c'est le Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, les mercredis de 15h à 17h. Vous souhaitez découvrir de la musique de partout dans le monde et de nouveaux artistes, l'émission L'Octrotteur est pour vous. Afrofunk, Fado, Bluegrass, Zouk, Ethio Jazz et autres styles de musique se rencontrent pour un beau voyage auditif tous les mercredis 19h sur les ondes de CIFU 89.5 FM. Vous êtes à CIFU pour l'écouter. 89.1. So we're back. Yeah. Sinistros. Oui. Ta première présentation musicale de la soirée, ben est c'est conceptuelle. Oui, c'est un bloc conceptuel comme je me suis permis de faire à ton. Tu te permets pas mal de choses, toi. Oui. Puis je suis bien content de ça. Donc, profite-en, ça achève. Oh, d'accord. Conceptuel, mais différent en même temps. Oui, tout à fait. De temps à autre, je vais amener des blocs. Qui va. Non, parce que tu ne l'amèneras pas tout le temps. Ça, pas, tu me non, dis, tu vas faire sur le gros de la job souvent. Tu as tout compris. OK. Plus sur un côté de culture métallique. Oh, mais tu te dois. J'ai l'impression que tu t'es instigé d'une mission de croisée. Pas tellement. C'est juste à lire ce que certains. Tu sais, vous savez que je me promène beaucoup sur Facebook, sur plusieurs groupes Facebook. Et, oui, je sais que tu perds beaucoup de temps. Oui, je perds énormément de temps, effectivement. Tu as bien raison. Mais ça, c'est pour une noble cause. J'en conviens. Sans dire que, oh oui, je vais le dire, il y a beaucoup de manque de culture musicale sur cette super planète. Es-tu sérieux, toi? Oui, ben oui, là, oui. Je suis fort déçu. Ah, ben, ça, c'est quelque chose... Et estomaqué à la fois. Là, oui, t'as l'air tellement estomaqué, c'était pas attendre. Je me suis donné une légère mission de briser certains tabous et éduquer nos chers amis métalleux, jeunes, moins jeunes et beaucoup plus vieux, si vous voulez. Le prochain bloc. Donc, c'est pas la modestie qui t'étouffe, finalement. Pas du tout. Ah, oh, d'accord. Puis je suis très content de ça. Ben, écoute, la modestie, c'est pour les gens qui n'ont pas de talent. C'est en plein, ça. Voilà. Fait que je suis très modeste. Poursuis, je t'interromps. Le prochain bloc, il y a trois groupes qui m'ont été allés sur presque trois décennies, pas tout à fait. Ben, presque. Ouais. Ça va marquer l'évolution de la batterie. Dans la musique metal. On parle de Everready à Duracell, à Procell. Ouais, mais tu sais, Procell, c'était pas très bon. Ça. Ben, ouais, c'était pas si pire. Vous savez tous que Black Sabbath a été un des pionniers du heavy metal aux alentours de 1969-1970. Mm-hmm. Ça l'a apporté pas mal le son lourd, le son plus heavy de la musique hard rock. Mais faut pas oublier que la batterie elle a évolué au cours de ces années-là. Jusqu'à devenir au double bass drum extrême qu'on a aujourd'hui. Dans le fond, ce que tu parles, c'est le jeu de batterie. Le jeu de batterie. Oui. D'où ce que ça part? Moi, j'ai mis trois groupes, trois dates, trois batteurs différents qui ont marqué leur temps respectif pour amener la batterie à ce qu'elle est aujourd'hui. Je suis assez d'accord jusque-là. Le premier batteur, il jouait dans Deep Purple. Il joue encore. Il s'appelle Ian Paice. Oui. Ian Paice a été, là, je ne dis pas le premier, mais un des premiers batteurs à apporter les doubles basses comme on les connaît aujourd'hui. C'était pas rapide comme aujourd'hui. Non. On s'entend. Oui, oui. Mais la pièce Fireball de l'album Fireball, c'est une des premières pièces qui a apporté le double bass drum normal qui a été repris par la suite. Mm-hmm. Il y a Accept. Oui, tout à fait, oui. Accept, avec Stefan Kaufman, qui est arrivé avec la pièce Face as a Shark, oui. Qui est possiblement la première pièce speed metal. Je suis d'accord avec toi. Où ce que lui a pris les bass drums de Ian Paice. Il les a augmentés de vitesse. Oui. C'est sûr et certain que ce que Ian Paice avait fait, Judas Priest a continué dans cette voie-là. Accept a fait pareil, puis il y a beaucoup de groupes qui ont comme suivi. Mm-hmm. Le troisième, c'est Dave Lombardo. Absolument. Bien évidemment, j'ai choisi la pièce Angel of Death, parce qu'Angel of Death, très ça montre exactement le double bass drum extrême qu'il y a aujourd'hui. Mm-hmm. On n'avait jamais entendu quelque chose de vite de même. Non. Fait qu'on va commencer en 1971 avec Deep Purple, la pièce Fireball. Allons-y, let's go! Don't rely upon you. 19h40 et ça fait toujours beaucoup de bien de se faire rincer les oreilles avec oui. Slayer et Angel of Death. On avait-tu fait le saut quand c'était sorti à l'époque, hein? C'était incroyable. Oui. On pouvait pas concevoir en 86 qu'on avait atteint ce point-là. Et alors qu'aujourd'hui, écoute, moi je constate que cette pièce-là, c'est encore un pur chef-d'œuvre, comme l'album. Oh. Mais aujourd'hui, on est à des années-lumière de cette intensité-là. Oh, c'est beaucoup plus extrême encore, tu sais. Mais si on n'avait pas eu ces trois batteurs-là, dans l'ordre, avec ce qu'ils ont apporté à la musique rock et metal en général, on n'en serait pas là présentement. Ben, je crois pas, non. Fait que c'était mon premier bloc de l'évolution musicale métallique. Je vais faire ce type de bloc-là à tous les premiers mardis du mois. OK. Fait qu'on va avoir une petite histoire métallique. Ben, c'est une bonne idée, non? J'aime bien l'idée, moi. Tu sais que Deep Purple, qui fait partie des pionniers et des vétérans de la scène rock proto-metal, si on peut appeler ça ainsi, formation qui existe quand même depuis 1968. Oui, c'est ça. Ben, c'est sûr et certain que les deux premiers albums sont plus psychédéliques. Oui, avec le premier line-up, c'est pas pareil. C'est quand Ian Gillan est arrivé. Le classic line-up qu'on avait. Voilà, là, exactement. Tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, de ce classic line-up, ben, il ne reste que Gillan, Glover et Pace. C'est cela. Évidemment. Oui, parce qu'ils s'entendent pas pantoute avec Ritchie Blackmore. Ben, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui s'entend avec Ritchie Blackmore. Un très bon guitariste, malheureusement, très imbu de lui-même. Et très détestable, semblait-il. Alors, on a entendu Slayer avec la pièce, la classique Angel of Death, possiblement le Sgt. Pepper's du metal, Blood, qui est paru en 86 sur Def Jam. Tout juste avant, on a eu Accept avec la première pièce speed metal, Fast as a Shark, qui est apparue en 82 sur Restless and Wild. C'était sur Brain. Ça aussi, les mâchoires avaient décroché. Ben, disons qu'on est habitué, on est habitué à Iron Maiden, les premiers Ozzy, les Priest, mais là, quand ça s'est arrivé, ça a fait comme, attends une minute, on vient de tomber dans un autre monde. Là, le speed metal a décollé, on a découvert les Venom et compagnie, Mercyful Fate et tout. Puis on a commencé avec un des pionniers du metal, qui a fait suite à Black Sabbath, dans le fond, qui a apporté un côté beaucoup plus puissant à la musique aussi. Deep Purple, Fireball, tiré de l'album Fireball, qui part en 1971 sur Harvest. Ouais, Deep Purple, c'est la formation, je dirais, un peu avec Sabbath, à l'instar de Black Sabbath, qui a amené un rock plus musclé, plus brut aussi, tout en étant... En agissant en finesse. Oui, non, c'est ça. Ben, tu sais, t'as eu Blue Oyster Cult aussi qui est arrivé par la suite. Ouais, Oyster Cult, par contre, ce que je leur trouve d'un petit peu différent, c'est que oui, il y a de très bonnes choses qu'ils ont fait, mais c'était un peu plus soft, un peu plus peaufiné. Alors que Sabbath et Purple, c'était direct, les Zeppelin, c'était bang in your face. Ouais, définitivement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on leur attribue le fait d'être des innovateurs au niveau, pas des innovateurs, mais des précurseurs au niveau du heavy metal. Oui, c'est ça. C'est très intéressant. 19h43, vous êtes à l'écoute de Réanimation des Undead Incorporated Show en ma compagnie et sa compagnie. Malheureusement, sa compagnie. Non, on va faire avec, là, regarde. Moi, c'est habitué. Là. On va vivre avec. Non, vivre, c'est une chose. C'est une autre histoire. Oui. Ta première présentation de nouveauté. Ben, nouvel album de Necrophobic, Mark of the Necrogram. Je sais pas ce que ça veut dire, hein. Necrogram, c'est un gramme de mort. Je pense, oui. Ou quelque chose. Peu importe. On s'en fout, finalement. Necrophobic sont encore constants, comme d'album en album. Tu sais, on baisse pas d'intensité, on augmente pas non plus. On reste pas mal sur la même ligne. Quelques petites innovations, ils ont pas inventé ça, là, parce que c'est, ils ont fait ça bien avant, là. Quelques petites incursions vocales avec des voix robotisées, un petit peu plus de finesse au niveau des passages plus progressifs. Disons, mais tu sais, Necrophobic a toujours un petit côté, plus prog, là, des fois, là. En arrière-plan, là, tu sais, c'est pas évident. Mais tu sais, et quand on creuse un peu dans leur musique, on écoute, tu sais, il y a des influences diverses qui... Ben, moi, je te dirais, honnêtement, là, on pourrait en parler peut-être plus après l'avoir écouté, mais c'est un groupe que j'ai toujours pas mal respecté. Mais c'est le groupe qui a le qualificatif Blackened que je trouve le plus correct. Ouais, ben, tu sais, il y a un petit côté à la Watain, là, c'est un petit côté black, là, de CD. Mais pas trop à chaland. Non, c'est pas trop chaland, effectivement. Ouais. Tu tombes pas dans le gros black, pur et dur, strident et cru, là. Et fatiguant. album que moi, j'ai quand même très bien aimé, là. Il s'est mérité un 8 point quelques sur 10, là. D'accord. Fait qu'on va entendre les deux singles de l'album, soit la pièce titre, Mark of the Necrogram et Tsar Bomba. C'est paru sur Century Media il y a quelques... années. Quelques jours. Ça. Ah, c'est une vieillerie comme ça. C'est très vieux, c'est à l'époque. En fait, il est paru le 23 février c'est dernier, cela. Donc c'est très vieux. Voilà. Très, très vieux. Allons écouter ça de ce pas. Let's go. Ouais. Et j'ai fait un sinistrose de moi-même en début d'intervention. Ah ben oui. Qui, lorsque j'ai mentionné que Nécrophobique avait des petites influences progressives et il avait mis des effets de voix à la Voivode. Je pensais à Pestilence. Oui, qui, tu sais que, ben, c'est pas grave, ça, là, parce que t'avais probablement déjà la tête à ce que tu présenterais la semaine prochaine. C'est en plein, ça. Mais Pestilence, aujourd'hui, on leur donne même le qualificatif de jazz fusion. Ouais, hein? Cet album-là, ouais, peut-être que oui. Ben, cet album-là, moi, peut-être, oui. Oui, oui. Pas avant, mais maintenant, Il y a des influences jazzy. Je suis important à le croire. Mais c'est pas de ça qu'on parle. On parle de négrophobique, puis de ma niaiserie, ma bourde. C'est pas grave. Ben oui, leur huitième album pour Nécrophobique. Que j'ai bien aimé. Un petit côté très, très noirci. Moi, écoute, comme je te dis, j'ai toujours respecté ce groupe-là. Ouais, ça rentre. Tu sais, une très, très bonne production, des excellents riffs. Tu sais, ça va. Une bonne production. C'est ça. Tout à fait. Moi, j'ai accordé un 7 sur 10 seulement. Ouais, mais toi, tes notes sont comme bizarres. Moi, je tiens pas à faire passer mes élèves quand ils ne méritent pas, là. T'as bien raison. Non, mais tu sais, une chose, il y a quelques semaines, on disait. Je sais plus c'était quoi exactement, mais on disait, ah, ben Motorhead, et ici tout appareil, oui, mais on dirait tout le temps la même pièce, oui, mais c'est Christy de Bonneton. Oui, voilà. Ben, Nécrophobique, c'est tout le temps pas mal pareil, mais je pourrais pas dire que c'est une super bonne pièce, là. C'est une bonne pièce, mais c'est tout le temps pareil, de toute façon. T'sais. Ça fait un job en masse. Oh, c'est un très bon album. Pour les fans de Blacken, Death Metal, c'est un album parfait. Oui, oui, puis ils ont des pièces qui sont vraiment très, très bonnes. Très bon riff. Tu sais, c'est des très bons compositeurs. Oui. Ils ont un bon... Ça fait un bon petit travail, ça, moi. Alors, Mark of the Necrogram, qui est paru le 23 février sur Century Media. On a entendu des pièces Tsar Bomba et tout juste avant la pièce titre de l'album. Absolument. Je crois que tu as un album aussi à présenter. Mais après cette pause publicitaire... Ah, on peut pas faire autrement. Ben voilà. Vous êtes assez fou? 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Du lundi au vendredi, Mathieu Plante, Tania Beaudin et leurs collaborateurs sortent l'artillerie lourde. Science, sport, vocabulaire, voyage, politique, télé, actualité. Littérature, improvisation, malbouffe, publicité, société. Assemblage requis, c'est une émission bâtie pour durer. Assemblage requis, du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Édition week-end, les dimanches à 15h. Assemblage requis pour toi, aujourd'hui. Le 6 et 7 avril prochain au cabaret de l'amphithéâtre Cogeco, Noir et Der Metal en collaboration avec Long and the Queen, Lapis Rock et Cifou 89.1 présente le Noir et Der Metal Fest 15e édition. Quatorze groupes sur deux soirs mettant en vedette Despised Icon, Jungle Rot, Beyond Creation, Anonymous, Obey the Brave et Dayside. Billets en prévente à la Plus Rock, chez Metal Punk et en ligne au amphithéâtre-cocheco.com au coût de $46 pour un soir ou $74 pour les deux soirs, quantité limitée. Les 6 et 7 avril, c'est un rendez-vous à l'amphithéâtre Cogeco pour l'événement métal de l'année. Pour tous les détails, visitez le 3MMF.com. Vous souhaitez découvrir de la musique de partout dans le monde et de nouveaux artistes? L'émission Le Trotteur est pour vous. Afrofunk, fado, bluegrass, zouk, ethio-jazz et autres styles de musique se rencontrent pour un beau voyage auditif tous les mercredis 19h sur les ondes de CIFU 89.1. C'est à Cifou. 89.1. Il est 20h01, Sinistros. Ah, tu dois aller te coucher. C'est l'heure d'aller faire dodo. Eh oui, voilà. Pas de télé ce soir. T'es un méchant gobelin. Je sais. Effectivement, j'ai une nouveauté à vous présenter ce soir, mais avant, je vais vous faire ma succulente chronique cinéma, n'est-ce pas? Bien, c'est bien juteuse. Puisqu'il est... Oui, quand même, cette semaine, oui. Oui. Eh bien, ce qui est en salle actuellement, c'est le film d'action Death Wish. J'ai aucune idée, par contre, ça a le rapport avec l'original qui était avec Charles Bronson, je pense. On était censé regarder la semaine dernière et on l'a même pas fait. Ben, en fait, t'as raison. Qui met en vedette Bruce Willis, Elizabeth Shue et Camilla Maroney. C'est un film d'Eli Roth. Eli Roth, c'est pas un vilain cinéaste, donc ça risque d'être quand même assez intéressant. Donc, dans ce que j'ai vu depuis la dernière émission, c'est quand même pas énorme, parce que j'ai pas juste à faire, moi. Hein? Ah non? Non, faut que je te surveille. Ah oui, c'est sûr. Est-ce que tu connais Guillermo del Toro? Bien que. Eh bien, j'ai vu sa dernière production, The Shape of Water. Ça dit quelque chose? Pas du tout. Ça m'étonne pas, espèce d'inculte. Ah. Ceci étant dit, à la semaine prochaine. C'est un film... Ben, tu connais Hellboy? Bien sûr. Tu connais Abe Sapien? Bien sûr. L'amphibie? Oui. Ben, ça serait lui avant Hellboy. Ah ouais? Ça serait un peu sa découverte et... Ce qu'il faut savoir avec The Shape of Water, c'est que... Et avec Guillermo del Toro, bien entendu, c'est que c'est un cinéaste qui ne fait pas les choses traditionnellement. Il est assez, je dirais, non conventionnel, et c'est ce que j'aime bien. C'est tant mieux. Oui, oui, tout à fait. Avec The Shape of Water, on amène ce fameux personnage qui, dans Hellboy, comme je le disais, porte le nom de Abraham Sapien, ou Abe Sapien, qui est un amphibie, qui est, si on veut, l'acolyte de Hellboy. Mais ici, c'est la découverte de ce créature-là, amphibienne, qui est considérée par les tribus, là, il est découvert comme étant un dieu. Il est amené aux États-Unis pour, évidemment, pouvoir s'en servir et en faire quelque chose qui sera probablement pas le bien, n'est-ce pas? Ils sont donc bien pas gentils. Eh, que veux-tu? Puis ça se passe dans les années 50, si je ne m'abuse. 50 ou 60, en tout cas, peu importe. Et... Eh bien, il y a une des dames qui travaille dans ce laboratoire-là qui est muette et qui prend les premiers contacts avec la créature en lui apportant à manger les fameux œufs durs qu'on retrouve dans Hellboy. Mmh. Et de fil en aiguille, eh bien, c'est l'aspect que j'ai trouvé un peu assommant, c'est qu'il tombe en amour. Oignon. Ben oui. Je savais dès le départ que quand on voit un qualificatif d'un film fantastique, drame et... Ouais, mais c'est platonique. Pff, non, ça l'a pas été, justement. Ça l'a pas été platonique. Mais écoute, si on va au-delà de cet aspect-là, le film est excessivement bien fait. Michael Shannon, qui joue le rôle du méchant là-dedans, est un parfait salaud. Et non pas comme le groupe. Là, je parle vraiment de salopard. Non, pas comme le groupe. Non, non, pas du tout un vrai salopard. Et c'est un bon film. Parce que moi, je suis pas tellement côté post-tendresse, là, honnêtement. Là, non. Ah. Pas vraiment. On vient d'apprendre quelque chose, cher téléspectateur. Oui, c'est un secret de polichinelle, je suppose. Le docteur ne fait pas dans la tendresse, vous voyez. J'ai fait dans le tendre, dans les parties tendres du corps humain. C'est ça. Les parties les plus faciles à couper. Oui, tout à fait. Mais c'est un bon film, je sais pas, Water, mais c'est tellement bien fait, tellement original, que malgré le fait qu'il y ait un aspect romance, ce n'est pas tellement agaçant. T'as fermé tes yeux pendant ce temps-là. C'est-à-dire la moitié du film. Autre film qui a été fort surprenant et que je t'invite à écouter, par contre, qui est un film qui met en vedette Nicolas Cage et Selma Blair, qui dénature le Nicolas Cage qu'on connaît, qu'on voit souvent dans des films d'action et ainsi de suite. Ici, on le voit dans un film d'horreur qui s'appelle Mom and Dad et qui est, ma foi, très original et fort surprenant dans le sens où on ne sait pas pourquoi, mais les parents sont soudainement pris d'une envie irrésistible de massacrer leurs enfants. Ça a l'air d'être le fun, ça. Ben, je suppose que, pour le moins, ça, dans le film, ça va l'air être soulageant. Et c'est vraiment une folie furieuse à la grandeur du pays. Soudainement, ils sont pris d'une envie de... Ils doivent voir leurs enfants, mais quand ils les voient, eh bien, ils s'attaquent à eux. Donc, c'est tout le complot qui se passe entre Nicolas Cage et sa femme, qui est jouée par Selma Blair, pour être capable d'une certaine façon, faire sortir leurs enfants qui se sont barricadés dans le sous-sol pour être capables de leur faire la peau. Mais c'est tellement original, tellement inattendu que c'est un film qui, malheureusement, a pas eu une cote générale assez bonne. Je dirais un 5,7 ou à peu près 5,5 en moyenne un peu partout. Mais ça mérite facilement presque un 8, là, honnêtement. Je me fie pas toujours. Non, parce qu'évidemment, c'est toujours subjectif, bien entendu. Là. Mais Mom and Dad, là, c'est un film que vous devriez voir, qui est fort surprenant. Et j'ai écouté la troisième et dernière saison à ce jour de la série Fargo, dont j'ai parlé depuis les dernières semaines, qui cette fois-ci mettait en vedette, parce que tu sais, Fargo, c'est dans les trois saisons sont à des époques différentes, 2006, 1979, et la dernière, 2003, en 2010. Mais il y a toujours un lien entre chacune. Okay. Et cette fois-ci, ça mettait en vedette Ewan McGregor, fort reconnaissable, dans deux rôles. Il joue le rôle de deux frères. Puis, écoute, c'est vraiment... c'est admirablement bien interprété. Ici que Mary Elizabeth Winstead, qui fait un très bon rôle, qui est vraiment surprenant dans ce temps. Mais, définitivement, la barre était très haute pour les deux premières saisons, qui sont excellentes. Et avec la troisième, Noah Hawley a eu probablement un peu plus de difficulté à aller rechercher cet effet de surprise-là, ce suspense-là qui était vraiment excessivement bien amené dans les deux premières saisons. Donc, c'est pas une mauvaise saison. Mais honnêtement, ça m'a pris pratiquement la moitié de la saison pour être capable de pouvoir dire « j'embarque dedans ». Oui, ça va bien. Sur 10 épisodes, c'est quand même beaucoup, là, on s'entendra. Donc, quand même, Fargo, c'est quelque chose à voir. J'ai vraiment hâte pour la quatrième saison, mais c'est seulement en 2019. Voilà. En ce qui concerne effectivement la présentation suivante de la semaine, c'est un choix que j'ai fait en les Londoniens, maintenant Londoniens, avant Victorien de Melbourne, de Destroyer 666, avec une nouvelle parution, un mini-album, un EP qui s'appelle Call of the Wild, qui est paru le 23 février dernier sur Season of Mist. C'est un mini-album qui comporte... on porte 4 pièces, j'en ai retenu 2. Je vais vous en parler après. On va écouter tout de suite la pièce Stone by Stone et la pièce titre Call of the Wild. Let's go! Follows day, always moving through, and through. Destroyer 666, deux extraits de leur plus récente parution, un mini-album EP de quatre pièces, Call of the Wild, qui est paru le 23 février dernier sur Season of Mist. Ben, je disais que je vous donnerais un peu plus mon impression au retour de cette écoute, et c'est le cas. C'est correct, là. C'est ce que m'en allait dire, c'est correct. C'est correct. Moi, je suis un fan du band pour plusieurs albums, mais... ça sonne pas très bien au départ. Ben, ça sonne très, très old school. Ouais, mais même la production est pas géniale. C'est un peu étouffé. Y a une pièce que tu me disais qu'on retrouve sur... Terror Abraxas, c'est qui est un autre, 2003. Ouais, qui est un autre mini-album. Mm. Soit la pièce Trial by Fire. Et c'est peut-être pour nous faire attendre un nouvel album qui est à venir cette année, parce que le dernier en date Whitefire, de 2016, bon, c'est fort possible, mais quoi qu'il en soit, c'est correct, là, mais je ferai pas de wow pour ça. Par contre, l'autre truc que je vais vous présenter ce soir, c'est j'ai été contacté il y a peut-être deux semaines par les guitaristes Fred Bergeron de la formation montréalaise Trinity Blast, et qui me disait, est-ce que tu es intéressé de présenter notre nouvelle pièce dans l'émission? Ben, je dis oui, envoie-moi ça, tu sais. Fait que il m'a envoyé la pièce qui porte le nom de... Voyons. Pardon. De Cutter's Delusion. Et c'est une pièce qu'ils ont enregistrée avec Kevin Tarlin de... Oui, ben oui, ben oui. Puis il fallait bien qu'on en parle il y a deux semaines. Ben oui, tout à fait. Ça nous tombe là. C'est un signe, ça. C'est un signe. C'est définitivement. Donc, avec Kevin Tarlin, l'ex-batteur de Suffocation, moi, j'ai été très surpris, honnêtement. De qui joue dans Field aussi. Qui joue dans Field, oui, c'est... qu'on a présenté il y a deux semaines, je crois. Oui, mais c'est pour ça que... Tout à fait. Fait que c'est un signe, non, un vilain petit canard. Ben, tout à fait. j'ai aimé beaucoup la qualité de ce... De ce band-là, en fait, pour la pièce, parce que c'est la seule que j'ai entendue jusqu'à présent, là. C'est très professionnel au niveau... Ça m'a fait penser un petit peu à Hell, mettons. Ben oui, oui, oui, oui, oui. Avec un petit côté un peu plus, je dirais, progressif, si on veut, par moment. Belle qualité de production, c'est vraiment impeccable, c'est très pro. Un vocal qui, ma foi, est fort intéressant. C'est pour... pas Sercouille, là, comme ben des bandes. Non, non, c'est une belle voix. Ouais. C'est une belle voix, oui, qu'effectivement, qui peut rappeler un petit peu celle de Hell. Bref, je vous fais écouter ça tout de suite, cette pièce-là, Cotter's Delusion. Et faites-vous-en une idée, let's go! Trinity Blast, une formation montréalaise, et la pièce Cotard's Delusion. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que ça sonnait vraiment très professionnel, que c'était de calibre qui était peu enviable dans le sens à plusieurs autres formations. Qui sont peut-être dans un roster beaucoup plus élevé qu'eux. Mais quoi qu'il en soit, ça fait du bien. Ça me réconcilie avec les formations québécoises d'entendre ce genre de qualité-là. Donc, ça te réconforte un petit peu? Ben, ça me réconforte un peu, oui, effectivement. Et j'ai beaucoup apprécié le vocal de Phil Harvey, qui est un vocal, généralement, qui, pour moi, n'est pas ce que je recherche le plus. Mais ici, j'ai trouvé que c'était en parfaite harmonie avec le style musical. C'est différent aussi. Oui, c'est différent, effectivement. Donc, Trinity Blast et Cotard's Delusion, je vous incite et je vous invite, bien sûr, à aller sur le trinityblast.bandcamp.com pour aller écouter ce qu'ils font. Il y a quand même plusieurs échantillonnages de ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Félicitations, les boys. 20h26, on va aller en pause publicitaire et puis peut-être qu'on va revenir. C'est fou! C'est fou. Vous êtes assez fous. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca 89.1. Du lundi au vendredi, Mathieu Plante, Tania Beaudin et leurs collaborateurs sortent l'artillerie lourde. Science, sport, vocabulaire, voyage, politique, télé, actualité. Littérature, improvisation, malbouffe, publicité, société. Assemblage requis, c'est une émission bâtie pour durer. Assemblage requis, du lundi au vendredi, de 7h à 10h. Édition week-end, les dimanches à 15h. Assemblage requis. La sortie de secours est une émission de cuisine où chaque semaine, nous vous convions à apprendre des recettes comme le bourgeois rôti, le politicien dans sa sauce d'enveloppe brune ou encore le président aux Cheetos. La sortie de secours est à votre gauche. L'émission coquine d'affaires publiques, le jeudi 18h, en rediffusion samedi 11h, sur les ondes de CIFU 89.1. Vous souhaitez découvrir de la musique de partout dans le monde et de nouveaux artistes? L'émission Le Trotteur est pour vous. Afrofunk, Fado, Bluegrass, Zouk, Ethio Jazz et autres styles de musique se rencontrent pour un beau voyage auditif tous les mercredis 19h sur les ondes de CIFU 89.1. CIFU 89.1 FM. FM. « 20h28 et on est vraiment, mais vraiment pas gentil, Sinistros. » Je sais. Sais-tu pourquoi? Ben non, pourquoi ce coup-là? Parce qu'on a oublié de dire bonjour à Horace. La semaine passée, il a même pas parlé. Il était en pétard, là. Hein? Ah, il est en pétard. Ben, tu sais comment il est susceptible, hein? Ah. Tu savais pas? Surtout qu'il est tombé comme deuxième depuis que je suis revenu. Ben oui. Tu prends pas mal de place. Ah, que tu oui. Prends pas mal de place du haut de tes 85 livres. Oui, 86 aujourd'hui. Oh, oh. Je me suis pesé avant de dire. Tu es à la diète maintenant? Ouais. D'accord. On va poursuivre musicalement cette fois-ci avec un petit bloc. Deuxième guerre mondiale. Hi, concept en plus. Ouais, je m'étais amusé à faire ça à l'occasion des concepts, mais je trouvais ça trop plate puis trop long à faire. Non, c'est pas vrai. J'ai laissé ça, c'est distrayant. Non, ça me peigne à l'occasion de vouloir faire des petits blocs conceptuels. Donc, on va entendre la formation Ball Thrower, Godly Throne, tu m'en parlais tout à l'heure, ainsi que la défunte Hail of Bullets. Let's go. Once you're Passions, riot entanglements, wounded bus charging, fixed on my own lay. Storming of woods, MGs and hand grenades. To live as a hero, one must survive. Devoted to his land, raise him out alive. Imagine-toi donc que notre ami Dominique No nous écoute en ce moment, mais j'ai promis de rien dire. Bon, c'est correct. Tiens le secret. Parfait. Bon. Qui déjà? Salut, Dr. No. Oui, Dominique, bien le bonsoir. Lui qui dit que... Salut les old school. Ben, Dominique, je te ferai remarquer que ce qu'on vient d'écouter, c'est pas si vieux c'est que ça. C'est pas si vieux que ça, c'est ça. Hail of Barletts, formation qui venait de Hammer's Foot dans les Pays-Bas, et la pièce Swoop of the Falcon, tirée de Third de Rummel Chronicles, qui était leur troisième album et dernier, paru le 28 octobre 2013 sur Metal Blade. Et j'adore ce groupe-là, moi. Ah ouais, alors, vraiment, là, définitivement, je trouve ça très, très bon. Ils n'ont pas beaucoup d'albums, mais d'album en album, ça oui. Évoluait, puis c'est une très belle façon. C'est le côté de Première et Deuxième Guerre mondiale, c'est vraiment trippant. Oui, tout à fait. Écoute, pour ceux qui aiment le vocal de Martin Van Dronen, qui était celui de Hills of Ballad, vous pouvez le retrouver dans Asphyx aussi, qui est tout aussi bon. Là, Grand Supreme Blood Court également, aussi, ou dans les premiers albums de Pestilence. Exactement. Blood Supreme Blood Court, Grand Supreme Blood Court sont un petit peu moins actifs, par exemple. Ben, il faudrait regarder. Là, ouais, c'est ben, sûr que certains, c'est comme un side project. Ouais, c'est sûr. Ben oui. Juste avant, nous avions Guard the Throne des Pays-Bas également, avec une pièce tirée de leur dernier album, The World Ablaze, qui est paru, le 10e, paru le 5 mai 2017. C'est un très bon album, et la pièce étant On the Wrong Side of the Wire. Et en ouverture de bloc, Bolthrower. Ben oui, les défunts Bolthrower d'Angleterre, et la pièce... pièce titre de ce dernier album paru en 2005 quand même, le 14 novembre, soit Those Ones Loyal. Ben, un nouvel album se laissait désirer, se faisait attendre ben, d'année en année, jusqu'à temps que l'année passée dise que ben, fuck off, on arrête ça. Ben, Drummer est mort. Ah, ça se peut que j'étais pas au courant. Ouais, Drummer est mort, puis après ça, on a décidé qu'il arrêtait le groupe. Mais quand même, et on regarde ça froidement, là, il s'était passé... 12 ans, ouais. Puis il n'y avait rien sorti de nouveau. Non, c'est un band qui tournait beaucoup, par contre. En Europe, là. Mais écoute, j'ai trouvé que 2005, c'était loin un peu, mais bon. Ben, c'était un groupe que j'aime beaucoup quand même. C'était un petit bloc qui était conceptuel au niveau de la Deuxième Guerre mondiale. Je vous rappelle que ce vendredi, ici même à C'est Fou, 89.1 FM, dès 11h, c'est l'émission Rock Classique pour les vrais amateurs de vrai rock. J'y serai cette semaine pour une émission dite régulière, mais on va avoir quelque chose qui devrait t'intéresser, toi, Sinistros, amateur de musique et polyvalent. On va avoir un petit spécial Rock'n'Roll 50s. Oh, ça va être excellent. Ça devrait être bien. Donc, de 11h à 17h pour les vrais amateurs de vrai rock, Rock Classique. Aussi, est-ce qu'on est la semaine de Subversion, je ne me rappelle jamais. Je pense que oui. Je pourrais demander à Tower. Tower, sommes-nous la semaine de Subversion? Manifeste-toi sur le Facebook. Oui. Ah, il a dit oui. Mais je pense que c'est cette semaine. Subversion, avec notre ami DJ Tower of Death sur les ondes. Ben, c'est Underground Québec, je ne suis plus certain, mais c'est sur SoundCloud. Il est sur son SoundCloud, dans le fond. Tout à fait. Tapez Subversion, le Metal Show, ou allez sur le site de Hurlemort. Il y a un lien direct. Exactement. Il y a un lien direct aussi sur le site de réanimation AD.com. Et bien sûr, allez visiter le blog de notre ami Sinistros avec ses farfeluteries. Et ses recettes aussi. Les recettes, oui. Oui. À ne pas essayer à la maison, bien évidemment. Ne pas essayer tout court. Ouais, mais là, ça dépend si vous êtes mazo ou pas. La semaine prochaine, Sinistros et moi allons vous présenter les albums respectifs de Void Anger, formation qui donne dans un quelque chose d'assez épouvantable que j'ai trouvé complètement génial. T'écoutes juste de ça des choses épouvantables. Bien sûr. Et Sinistros vous présentera la dernière apparition de la formation Pestilence. Yeah. On va poursuivre musicalement cette fois-ci avec la conclusion de l'émission qui en revient à toi, Gobelin de mes deux. Ben oui. Petit bloc à tendance jazz progressive dans le métal. Ballet jazz ou... balayeuse jazz. Ah, d'accord. Ouais. On sait tous que Voivod a été un très grand instigateur du progressive metal. Mm-hmm. La formation Death aussi vers la fin des années 80. Fait que ça a donné... Ben, plus 90, Death. Ouais, début 80. Ouais. Ouais. Fait que ça a donné des formations fort intéressantes par la suite, dont ATEEZ, qu'on va avoir dans ce... ce bloc. On va voir aussi un genre de simili-athéiste qui vient de l'Australie, qui s'appelle Alarum, un groupe que j'adore beaucoup. Et on va avoir des enfants de Voivod, qui s'appellent Vector. Ah, mais c'est excellent, ça. Alors, on va avoir un beau bloc qui a été initialement engendré par nos jonquierrois préférés. Mm-hmm. Alors, on va commencer avec Alarum, sera suivi de ATS et Vector. Allons-y. Et sur ce allez tous vous faire foutre, c'est eux. Like the moon is silent.